c'est comme charité. La charité est une vertu venue du ciel qui nous fait aimer Dieu pour lui-même et le prochain pour l'amour de Dieu. D comme douceur, soyez doux comme Jésus et vous serez aimés de Jésus. L'adoration des bergers. Des bergers avertis par les anges quittent leur troupeau et courent à Bethléem. Ils arrivent à la pauvre étable et trouvent Jésus dans la crèche. Avec Marie et Joseph, ce sont ses premiers adorateurs. Jésus est humble et il aime ceux qui sont humbles. Il se plaît avec les petits, avec les simples, avec tous ceux qui ont le cœur droit et pur. Voilà pourquoi il attire à lui ses pauvres bergers. Voilà pourquoi il a tant d'amour pour les petits enfants.